Chapitre 25e. Le lendemain, Rose se leva tard. C'était encore un de ses griefs que les habitudes matinales de son mari. Si soigneux qu'il fût d'éviter le bruit en sortant, elle était presque toujours éveillée par le léger frottement de la porte sur le tapis, et quoiqu'elle se rendormît le plus souvent, il lui restait pour tout le jour une secrète mauvaise humeur. Elle sonna Florence et se fit habiller lentement, comme autrefois. La vieille bonne fut tout étonnée de la gaieté, de la douceur de la jeune femme, si différente de son état d'esprit de la veille. « Quel temps fait-il ? » demanda Rose. « Je suis sûre que le soleil est superbe. »« Ni pluie ni soleil, » répondit Florence. « C'est ce que nous appelons un temps de demoiselle. Mais il fait bon, d'ailleurs. » Rose termina sa toilette et demanda son déjeuner. Comme elle l'achevait, un bruit de chevaux et de voitures l'attira à la fenêtre, et elle vit toute une cavalcade déboucher de la route. C'était Max, Saint-Chet, Pornic et une demi-douzaine d'autres, les uns à cheval, les autres en voiture, avec des domestiques qui tenaient en main des chevaux de selle. Saint-Chet, qui conduisait un mail, aperçut Rose à la fenêtre et lui adressa ce salut irréprochable qui consiste à lever son chapeau tout droit d'un mètre au-dessus de son crâne. Au même instant, il dégringola de son perchoir et se précipita dans l'escalier, suivi de son cortège. « Puisque la montagne ne voulait pas venir à Mahomet, » dit-il d'un ton précieux, « c'est nous qui sommes venus à la montagne. Nous vous enlevons, madame, pour faire un tour en rase campagne. Où est monsieur André ?»« Un pari, » répondit Rose, avec un singulier mélange de joie, d'humeur et aussi d'hésitation. « À Paris, parfait. » « Alors, Pornic prendra mon cheval, car enfin, nous n'avions pas assez de chevaux pour tout le monde. Mon bé s'est donné un écart hier soir, alors vous comprenez. Vite, habillez-vous. Nous avons des provisions dans le mail. Nous déjeunerons à Clairefontaine. J'ai déjeuné, fit Rose. Vous recommencerez. Dépêchons-nous. Le soleil va se dégager dans un instant, et alors il fera trop chaud. C'est Max qui a mis ça dans son journal ce matin, n'est-ce pas, Max? Allons, messieurs, laissons le temps à Madame André de changer de toilette. Combien de temps vous faut-il, cher ami? 10 minutes, répondit Rose, entraînée par le démon qui la poussait depuis la veille. Parfait, parfait. « Vous entendez, messieurs, dans 10 minutes. À tout à l'heure. » Il dégringola l'escalier sonore de la maisonnette et toute la cohue élégante se trouva rassemblée dans la rue au grand ébaubissement des habitants de l'endroit, accourus pour être témoins de cette invasion. « Ton mari sera mécontent, » dit timidement Florence, au moment où Rose lui prenait des mains son petit chapeau qu'elle plaça elle-même crânement sur son front. « Eh bien, tant mieux, » répondit la jeune femme d'un ton calme. Elle prit sa cravache, la fit siffler 2 ou 3 fois dans l'air, en cingla un coup sec sur le livre d'André, oublié sur une table, et descendit rapidement l'escalier. « Hurrah ! » cria la colonie trouvillaise en l'apercevant. « Bravo ! » Quelques-uns battirent des mains. Avec un mouvement de reine de théâtre, Rose, debout sur le perron, salua comme autrefois sur la scène. « Vive Rose Rosier ! » crièrent 2 ou 3 exaltés. On lui amena son cheval. Elle s'assura d'un coup d'œil que tout était en ordre. Puis, sans accepter l'aide de personne, elle s'enleva d'un geste à la fois robuste et gracieux et retomba en selle avec une assiette parfaite. « Hein, Rose, c'est comme autrefois, » lui dit Saint-Chet, électrisé. « Ça nous rajeunit rudement, n'est-ce pas ?»« Hop !» cria Rose en rendant la main. La jument partit au grand trot, et toute la joyeuse cavalcade fit sonner sur le pavé de Villers les fers des chevaux, pendant que le mail venait derrière avec un grand bruit de sonnettes et de grelots. « Seigneur, c'est la fin du monde !» firent les braves femmes de l'endroit, groupées sur la place. « Laissez donc, les Parisiens s'amusent !» dit un gaillard qui fumait sa pipe. « Vous en verrez bien d'autres, s'ils se mettent à venir faire leur tour par ici. » La cavalcade trottait dans les chemins ombreux, par 2 de front, et Saint-Chet n'était pas content, car Pornic avait fini par prendre la tête avec Rose. La politesse du brave garçon qui avait réservé son meilleur cheval pour André se trouvait ainsi bien mal récompensée. Mais Pornic était de ceux qui, lorsqu'ils ont un avantage, s'estimeraient stupides de ne pas le pousser jusqu'au bout, et lorsqu'ils ne l'ont pas, ne se donnent aucun repos qu'ils ne l'aient obtenu. Pour le moment, il cherchait son avantage près de Rose, et semblait vouloir l'y trouver. Dans l'état d'esprit où était la jeune femme, ce n'est pas un amoureux transi qui avait le plus de chances de réussir à ses yeux. Elle acceptait toutes les audaces, pourvu qu'elle sortît de l'état d'esprit, fruit de son mariage, que depuis la veille, elle qualifiait dédaigneusement de soupe à la crème. Gérard Pornic était juste assez bien élevé pour ne pas commettre d'impardonnable grossièreté, juste assez privée de sens moral pour en faire une s'il croyait être sûr qu'elle lui réussirait. Dès le premier soir, il avait lu dans l'attitude contrainte de Rose, dans l'air hautain d'André, une désorganisation intérieure du ménage mal assorti. Quelqu'un en profiterait, à coup sûr, pourquoi pas lui. Il ne croyait pas à la vertu au théâtre. Sur ce point, il avait certainement tort. Il ne croyait pas à la sécurité des mariages, où la considération du monde n'entoure pas également les deux époux. Ici, il avait peut-être raison. Dans ce cas spécial, il était sûr que Rose se séparerait d'André ou André de Rose et que celle-ci reprendrait son premier genre de vie pour lequel elle était évidemment faite. Il ne craignait pas d'échanger une balle avec le mari, parce que ce serait un honneur pour un homme comme lui de se battre avec un homme comme André. Mais s'il pouvait se faire aimer de Rose sans affronter le feu de l'ingénieur, pourquoi pas? Ce n'était pas absolument nécessaire, après tout. Comme il passait à fond de train, distançant tous les autres, dans un chemin creux, Rose vit un peu au-dessus d'elle une branche d'églantier fleuri qui semblait vouloir s'enlacer à son cou. Elle leva sa cravache pour la saisir au vol, mais sa jument courait trop vite, elle la manqua. Porny cretint son cheval, qui se cabra sur ses pieds de derrière, mais il atteignit la branche qu'il arracha. Et il rejoignit aussitôt Madame André, qui avait ralenti son allure, sans pourtant s'arrêter. « La voici !» dit-il en lui offrant sa conquête. Elle la prit en le remerciant d'un sourire, mais en avançant la main, elle s'aperçut que les épines avaient fortement déchiré le gant du jeune homme, qui était maculé de gouttes de sang. « Vous vous êtes blessé ?» dit-elle avec cette commisération de bon goût qu'il est nécessaire de témoigner en pareil cas. Porny essuya son gant avec son mouchoir, qu'il remit dans sa poche, et excita son cheval, sans répondre autrement que par un geste d'indifférence. « Pas si loin, à gauche !» cria derrière eux la voix de Saint-Chet, qui arrivait au grand trot. « Vous menez un train d'enfer ! Je n'en croyais pas merveilleuse capable !» Ils s'arrêtèrent dans une clairière gazonneuse, à l'angle de quatre chemins. De vieux murs de terre, contemporains de Guillaume le Conquérant peut-être, et plantés d'ormes magnifiques, formaient la clôture de pièces de terre invisibles qui entouraient une croix de granit moussu, dont un des bras tombés gisait sur les marches marbrées de lichen orangé. On mit pied à terre, et les grooms s'occupèrent des chevaux pendant que les domestiques étalaient un déjeuner somptueux sur les marches de la croix. Les bouteilles furent mises à rafraîchir dans le courant d'un ruisseau qui sortait de dessous un mur, traversait le chemin et allait arroser d'autres prairies. « C'est joli ici, hein ?» dit Saint-Chet en faisant les honneurs de son déjeuner. « Vous n'y étiez jamais venue, Rose ?»« Jamais, » répondit-elle. « À quoi donc pense votre mari, qu'il vous tient enfermé à la maison, dans ce pays plein d'endroits drôles ?» Rose indiqua par un haussement d'épaule que son mari songeait probablement à toute autre chose. « Voyons, Rose, dites-nous la vérité, » fit Richelet d'un air futé. « Pourquoi vous êtes-vous mariée ?» Elle le regarda avec hauteur, puis un sourire amer et méchant passa sur son visage. « Pourquoi ? Pour être mariée, messieurs, tout simplement ?» Pornic sourit. Rose rencontra ses yeux, qui ne témoignaient aucun étonnement. « C'est donc absolument nécessaire à votre bonheur, dites, » prit Saint-Chet, que la chaleur du jour et une bouteille de vin de champagne avaient déjà presque grisé. « Un mariage d'amour, peut-être ?» Poussée par le démon qui la possédait, Rose répondit d'un air de défi. « Non. »« Je m'en doutais, » reprit Saint-Chet. « Votre mari n'a pas une tête à ça. Il est très beau garçon, votre mari, mais vous n'aimiez pas ces beautés-là, hein ? Il a l'air d'un Saint-Pierre ou un Saint-Paul pour une église. Ça manque de mouvement, n'est-ce pas ? Il est très riche, alors ?»« Non, » répondit Rose en le regardant en face. « Mais alors, ma chère, le diable m'emporte et je comprends pourquoi vous vous êtes mariée. »« Pour être mariée, » fit-elle d'un ton posé. « Ce n'est pas vous, Saint-Chet, ni vous, Richelet, ni vous, Max, qui auriez épousé Rose Rosier. » « Je l'aurais épousée, moi, » dit très bas Gérard Pornic, qui s'était rapproché d'elle. Elle lui jeta un regard rapide. « Nous vous aurions tous épousés, » s'écria Saint-Chet, « tous, parbleu, vous n'aviez qu'à dire un mot. Qui, sur la terre, pouvait s'imaginer que vous seriez prise de la toccade du mariage ?»« De toutes vos fantaisies, ma parole d'honneur, c'est encore celle-là la plus drôle. Elle est bien bonne. » Il se renversa en arrière, en riant d'un rire inextinguible, comme les deux d'Homère. Max prit la parole pour l'empêcher, s'il se pouvait, de dire de nouvelles bêtises. Somme toute, dit-il gravement, nous n'avons qu'à féliciter Madame Juste-André d'un événement qui la met au rang de nos jeunes femmes les plus enviées, et qui lui donne le repos qu'on obtient au théâtre, qu'en renonçant à tout ce qui fait la vie jusque-là. Mais nous l'avons perdue, nous, cette aimable Rose Rosier, reprit Richelet, en modulant ses accents les plus tendres. « Est-ce bien vrai qu'on ne vous entendra plus jamais ?»« Je me souviens qu'au Havre, une fois, vous avez enlevé la salle. »« Si vous voulez m'entendre, messieurs, » fit Rose de la voix mordante des Célimène, « faites-vous recevoir dans la meilleure société de Chartres. J'y dis parfois des vers. » Elle plongea son nez dans son verre de Château Yquem et l'assemblée éclata d'un rire unanime. « Dites-nous des vers, madame. Madame André, Rose, des vers, des vers. » Ce cri fut répété par tous les assistants. Seul Pornic ne disait rien. « Vous n'aimez pas les vers, vous ?» lui dit Rose d'un air railleur. « Ce sont les miens, » répondit-il à voix basse, « que je voudrais entendre de votre bouche. Voilà 2 ans que je travaillais pour vous. Pendant que j'étais morte ? » fit-elle en éclatant de rire. « Non, avant, » reprit-il sans se troubler. « Depuis, je n'ai plus travaillé. Des vers, Rose, des vers !» Elle se rappela soudain les soirs où une salle en délire la rappelait 10 fois de suite, où elle marchait sur les bouquets et les couronnes, où ce public de province, plus enthousiaste 100 fois, plus idolâtre que les Parisiens, ne vivait que pour elle pour quelques heures, et emportait jusque dans les rues étroites et noires d'une vieille cité le nom sonore de l'actrice adorée. C'était donc fini. Jamais, plus jamais, elle ne connaîtrait l'ivresse de ces émotions écrasantes, quand elle évoquerait le souvenir des grandes figures créées par les poètes pour l'enthousiasme et l'amour des générations futures. Elle aurait toujours devant elle les yeux écarquillés ou les lunettes endormies d'un monde trié sur le volet, parmi la bonne noblesse ou la haute bourgeoisie de province. Au lieu de ces cris frénétiques qui la saluaient autrefois, elle obtiendrait les bravos gantés de ces braves gens, aussi incapables de comprendre le poète que d'apprécier l'artiste. Elle frémit tout entière et se leva. Le silence se fit soudain. On n'entendit plus que le bruit du vent dans les feuilles, et le murmure plus éloigné du ruisseau qui tombait en cascatelle dans les prairies environnantes. Sur les marches de granit, au pied de la croix brisée, elle se tint droite, longue et mince, dans son amazone bleu foncé, la tête nue, l'air concentré, ou pour ainsi dire, le regard rentré en elle-même. D'une voix lente et harmonieuse qui tremblait légèrement, elle commença la tirade de Phèdre. « Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts » dit-elle avec une passion secrète, une langueur attendrie, qui fit passer un frisson dans ses auditeurs, tout blasés qu'ils fussent. Elle récitait ses vers avec un accent si vrai, une ardeur si vivante, que lorsqu'elle se tut, il y eut un instant de silence. « Encore, encore !» crièrent-ils tous en tendant les mains vers elle. Elle déclama d'autres vers, puis d'autres encore. Changeant de ton, elle jeta les notes les plus railleuses de Musset au milieu des poèmes les plus passionnés. Aigrisée elle-même par ses propres accents, elle dit ses vers comme elle n'avait jamais rien dit en sa vie. Elle s'arrêta cependant et fut remerciée, applaudie, fêtée, comme au plus beau jour de ses triomphes. Seul Gérard Pornic ne disait rien. Elle l'interrogea du regard. « Je suis mon rêve, » lui dit-il en esquissant un geste dans l'air. « Je vois mon œuvre incarnée en vous. Nous en reparlerons. » Les domestiques allaient et venaient, remettant dans le mail tout ce qui avait servi au déjeuner. Rose, épuisée, s'était assise sur le tertre gazonné et ne disait plus rien. « Rentrons, » fit-elle brusquement. « Je suis fatiguée. » On amena les chevaux. Elle reprit la tête, mais avec Saint-Chez auprès d'elle. Pornic était trop habile pour s'imposer. Ils rentrèrent à Villers silencieux et maussade, comme il arrive toujours quand on a été trop enthousiaste et trop gai. Elle descendit rapidement de cheval et rentra sans inviter personne à l'accompagner. Elle se laissa déshabiller par Florence et se mit au lit sans vouloir dîner. « Je suis fatiguée, » dit-elle pour toute réponse aux questions discrètes de la prudente vieille. Après tout, c'était très naturel, et Florence se retira sur la pointe du pied pour la laisser dormir.